Alors, je pourrais vous demander encore pas mal de mots anglais en echo, correspondant au mot français en hic, mais je voudrais maintenant passer à leur petit frère, les mots anglais en ec, IC. Il s'agit d'une autre transformation, tout aussi basic, basique, que les autres. Alors, suivant cette transformation, comment dira-t-on magique en anglais ? Magic. Magic, oui. Avec le G prononcé J, magic. Et donc, comment diriez-vous, c'était un moment magique. It was a magic moment. It was a magic moment. Et comment direz-vous, la situation économique est bonne. The economic situation is good. The economic situation is good, right. Si vous avez dit « the economic », bravo. Ça montre que vous avez d'ores et déjà assimilé ce que je vous expliquais un peu plus tôt, à savoir que l'article « the » se prononce « the » quand il est suivi d'un son voyelle, comme c'est le cas ici avec « economic ». Donc « the economic situation » avec « economic » qui s'écrit bien avec un « e » au début, mais ce « e » se prononce « i ». Pensez au mot « email » qui s'écrit lui aussi avec un « e » initial prononcé « i ». Alors, encore une fois, la situation économique est bonne. The economic situation is good. Bien, the economic situation is good. Prenons encore quelques exemples de mots en « ique » qui donnent « ec »,« ic » en anglais. Alors, comment direz-vous « il est le directeur artistique du théâtre ». Le mot pour théâtre est le même en anglais, mais on prononce « theatre ». Theater. Alors, il est le directeur artistique du théâtre. He is the artistic director of the theater. He is, ou he's, the artistic director of the theater. Une fois de plus, vous n'avez eu aucun problème pour traduire directeur grâce à la transformation dont nous avions parlé précédemment avec actor, professor, etc. Ces transformations sont presque automatiques. Tenez, comment diriez-vous ça? Ces transformations sont presque automatiques. Presque se dit almost. A-L-M-O-S-T. These transformations are almost automatic. I hope so. J'espère bien. These transformations are almost automatic. Et c'est précisément ce que nous recherchons. Les progrès que vous êtes en train de faire grâce à ces transformations très pratiques sont vraiment fantastiques, vous ne trouvez pas ?